Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et aussi à 23h si vous avez loupé le début. Cette semaine, Être pauvre, une série de Rémi Dibowski-Douat, réalisée par Véronique Samuilov. Au départ de cette série, il y a le plan pauvreté du gouvernement, retardé et finalement annoncé. Il y a aussi ce fossé qui se creuse entre ceux qui vivent bien et les autres qui se débattent. Il y a la misère de plein fouet et à la vue de tous dans la ville, ces familles qui dorment sous des porches ou ces silhouettes étendues devant des bouches d'aération. Et celle plus invisible de ceux qui n'ont pas droit au moindre imprévu et qui vivent dans l'angoisse du grain de sable qui les mettra au tapis. Et surtout, il y a cette vieille arnaque de la méritocratie. Alors pour commencer les personnages, une ouvrière au travail, une DRH pas payée qui se met à son compte, une retraitée qui a eu 2000 francs au prud'homme, des métallos à la gabin, un entrepreneur à la tapis, un sociologue qui y voit clair, un soudeur retraité, un adjoint au maire miné, lui-même ancien ouvrier, un homme licencié après 36 ans et des ouvriers du tertiaire. Ensuite le décor. La souterraine, Guéret, la Creuse, des pantalons, des délocalisations, des lettres de licenciement, des vies à l'usine, un village qui se noie, une usine qui ferme, la foudre qui frappe deux fois au même endroit, des mythologies, l'abstention, des boucs émissaires, des promotions fatales, de l'amertume, des zones désertées, des commerces fermés et plus le moindre boulot. Aujourd'hui, troisième épisode, on arrive à l'usine. Alors là, on est en train de repasser pour que le tissu prenne forme et puis pour pas livrer aussi froissé. Là-bas, et là-bas, sur les portants ? Alors, sur les portants, ce sont des patrons parce qu'aussi, on a une activité de sous-traitant, c'est-à-dire qu'on travaille encore pour des produits qui sont fabriqués en France, pour les hôtels, les palaces. On travaille également pour le cinéma, donc où on a fait... une petite partie des costumes de Versailles, la série télévisée de Canal+. Donc les vêtements ont été ici. De la classe ouvrière aux classes populaires, Rémi Dibowski-Douat, Véronique Samuilov. Alors vous voyez, vous avez des clients qui viennent ici. On leur fait des devis, par exemple pour de la décoration, des rideaux, pour des fauteuils. Et donc après, on fabrique. Nous sommes à Guéret, dans la Creuse. Une zone industrielle, modeste, à l'image de ce département. L'un des plus pauvres de France. L'un des moins peuplés aussi. On entre dans un petit entrepôt. Joli, pimpant, coloré. Il y a des nappes, des têtes d'oreiller, des rideaux, des serviettes et des peignoirs. Ça sent le tissu, la vapeur d'eau aussi. Il y a de grandes paires de ciseaux, des machines, des patrons et des rouleaux de tissu. On coupe, on assemble, on repasse. On conditionne des articles 100% made in Creuse. Moi, ça fait 20 ans que je suis au SMIG. En fait, on sait très bien qu'au niveau de la confection, ça tout le temps. Et encore, oui, parce que je n'ai pas été payée pendant un an. On a eu des soucis. Oui. Elle n'a pas été payée pendant un an pour nous payer, nous. Vous êtes salariée ici ? Nous, on est salariés, oui. Enfin, disons qu'on est tout le temps au travail, en fait. Cette femme s'appelle Maryse Mativet. La cinquantaine énergique, cheveux courts. Elle porte un tablier autour de la taille et son entreprise à bout de bras. Elle bosse toute la semaine, travaille 12 heures par jour et ses ouvriers passent avant elle. Il faut chercher les raisons de cette énergie dans son histoire personnelle. Elle se confond avec celle de la ville de la Souterraine et de son industrie. Dans les années 90, elle travaille chez De Fursac, dans ce qu'on n'appelait pas encore les ressources humaines. De Fursac est alors un fleuron du textile français. L'usine sort 400 vestes et 1300 pantalons par jour. Mais nous sommes en 1992. l'économie européenne est en pleine mutation. Dans le textile, les années 90 sont celles de la délocalisation. À la fin de la décennie, Guillaume Sarkozy, président de l'UIT, Union des industries du textile, et vice-président du MEDEF, résume l'air du temps en une phrase lapidaire recueillie par l'hebdomadaire L'Expansion. Je suis fier d'être un patron industriel qui délocalise, assez de faux-semblants, la perte d'emploi, la déstabilisation industrielle, c'est normal, c'est l'évolution. Au même moment, Nicolas, le frère de Guillaume Sarkozy, est ministre de l'économie. Mais pour Maryse, en poste aux ressources humaines, cette nouvelle réalité économique présente une difficulté immédiate. C'est elle qui est chargée des lettres de licenciement. Un matin, on voit arriver le directeur, donc qui ouvre la porte comme à son habitude, très forte. Et dans son regard, on a senti tout de suite qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Il est soucieux, il s'assoit, il met sa main sur son front et il nous dit « j'ai quelque chose à vous dire, mais de très confidentiel ». À ce moment-là, on le regarde avec ma collègue et on dit « il a vraiment un problème ». Et là, le directeur nous dit « voilà, j'ai une confidence à vous faire et c'est quelque chose d'extrêmement grave ». Je rentre de Paris hier au soir et je n'ai pas dormi de la nuit, mais le groupe veut licencier. Mais pas 10 personnes, pas 20 personnes. Alors on le regarde, on dit combien de personnes ? Et il a dit ça va être par centaines. Et là on a dit ils ferment l'entreprise, ils veulent fermer tout de suite l'entreprise. Il a dit non, mais il y aura vraiment un effectif réduit, peut-être un jour pour terminer à 10 personnes. Et c'est le cas. Enfin, il y a de l'orage. Oui. Elles ont peur, les filles en atelier. Elles ont peur de l'orage. Quand on entend ça, on ne dit plus rien en fait. On est complètement estomaqué, on ne sait même plus quoi penser, quoi dire. On ne pleure même pas, on est blême en fait. On ne réalise pas ça du tout. Il n'y a pas de chômage ici en Creuse, même s'il y a eu la catastrophe Philips, mais c'était vieux par rapport à moi qui ai 30 ans. Et le soir à la maison, ça n'allait plus du tout. Hein. On se dit, mais on va faire quoi ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? On se dit, on a nos maisons, comment on va faire pour les payer ? Enfin, on se pose 1000 questions à la seconde, en fait. Pour moi, là, sur le coup, c'est une injustice. Hein, qu'on a surtout des carnets de commandes pleins. Si on n'avait pas de travail, on comprendrait pourquoi on peut avoir des licenciements. Mais là, c'est juste parce que la main-d'œuvre en France est trop chère. À ce moment-là, je commence à comprendre ce qui se passe. Délocalisation, pour moi, c'était un mot que je connaissais à peine. Et tout ça pour faire une meilleure marge, pour un coût du travail moins cher. Les lettres de licenciement sont parties assez vite. Et vous vous retrouvez là à 30 ans dans une situation où vous allez à la poste et vous mettez plus d'une centaine de lettres de licenciement. Là, vous dites « waouh, c'est l'horreur ». Alors, quand on poste les enveloppes, en fait, on connaît toutes les personnes et on sait que toutes les personnes, c'est un cas bien différent et c'est compliqué. Quand vous sortez de la poste, vous avez plus envie de pleurer, on s'en rappelle encore. Et c'est vrai que ça a été particulièrement dur et émouvant. Et puis, on savait que notre vie, elle allait être différente. Parce qu'il n'y a pas de travail ailleurs. C'est surtout ça. Parce qu'ailleurs, on ne peut pas aller travailler ailleurs. C'est pas possible. « On a reçu la lettre, on voyait bien que le travail s'en allait, on n'en avait pas. Et un beau jour, on a reçu cette lettre qui a été dramatique. Plus de travail, plus rien, quoi. C'était vraiment une grosse perte pour tout le monde, quoi. C'était très très dur. Chantal, retraitée, ex-salariée de chez De Fursac. Et puis après, donc, on est passé au prud'homme. On était plus que 5 à aller au prud'homme. On a obtenu 2000 francs. 2000 francs. Moi, j'avais fait 20 ans, hein. 20 ans de boîte. Moi, j'avais 20 ans d'usine. Mais ensuite, je me suis retrouvée au chômage, comme tout le monde. Hein. Voilà, j'ai eu 10 ans de chômage. On en a retrouvé un. 10 ans, c'est énorme. J'avais la chance d'avoir un mari qui travaillait, bon, 10 salaires, mais enfin on avait. Et puis bon, on faisait du jardin, on faisait très attention, on ne prenait pas de vacances, il faut serrer la ceinture, comme on dit. C'est pas facile, d'ailleurs j'ai fait de la dépression pendant ce temps-là parce que j'avais honte. Petite, les gens doivent dire qu'elle ne fout rien de journée. Je lève ma prise. C'est pour ça qu'après, quand j'ai pu retravailler, que j'ai fait quelques heures de ménage, j'étais repartie. Mon moral était meilleur parce que je me disais, ça y est, je suis repartie dans la vie active. Et je n'avais pas la même façon de penser. En fait, en une phrase qui dure quelques secondes, tout bascule dans une vie. D'un coup, c'est le stress, les inquiétudes, les soucis qui nous arrivent là. Parce que le travail, eh bien, c'est ce qui vous fait vivre, en fait. C'est le travail qui vous fait avancer dans la vie, qui vous fait faire des projets, qui mène le tout, en fait. Une entreprise qui emploie 400 personnes dans la Creuse, c'était notre vie à la souterraine en fait. Et les commerces fonctionnaient et on dépensait puisqu'on avait des salaires hein, qui rentraient tous les mois. Même si on avait nos emprunts de maison, on avait des voitures, on pouvait se permettre de voir l'avenir bien avec du travail. À la campagne, on est solidaire. Dans les villages, on est solidaire. Si on voit une personne qui a faim, tout de suite, on va aller l'aider. Mais c'était qu'en fait, dans le village, il y avait 10 personnes qui travaillaient chez De Fursac. On était presque toutes dans le village à travailler pour le groupe De Fursac. Dans votre village ? Oui, dans le mien, oui. Et puis dans les villages environnants, puisque c'était 400 personnes. Hein. La Creuse, c'est le dernier département français au niveau population. Alors donc, on n'est pas nombreux, forcément, dans le département. Donc, vous avez une catastrophe comme ça, ça se connaît. Hein. Et vous êtes concernée par ce licenciement ? Moi, j'ai la chance de ne pas être concernée. Et on m'a seulement dit... Par contre, il faut que vous vous occupiez de cette fameuse délocalisation dont on ne voulait pas entendre parler. Mais c'était soit vous faites ça, soit vous êtes licencié. Ça a créé quand même des tensions, parce que ça crée énormément de tensions, parce qu'on fait un travail malsain. Pour les personnes qui sont licenciées, c'est un travail malsain où on enlève le travail des mains du personnel sur le site, en fait. Et alors, nées, parce qu'elles ne sont pas parties tout de suite, et eh bien, on prépare les produits, les camions qui arrivent le soir pour envoyer tous les produits, les colis en Pologne, les tissus en Pologne. Enfin, on était plusieurs hein, dans le cas à préparer les produits, les documents. Moi, je m'occupais de tous les documents. Mais il y avait les magasiniers aussi qui préparaient tous les colis au nez des personnes qui allaient être licenciées. Et ça, humainement, c'est difficile. C'est très difficile. On voit les personnes qui regardent et qui elles savent que là, on est en train d'enlever leur travail, leur gagne-pain, leur vie, en fait. Et c'est vraiment douloureux. C'est vraiment douloureux. Après, vous avez des personnes qui ne réagissent pas, d'autres qui sont un peu plus virulentes. Après, bon, ça se comprend. Hein. Je me souviens d'un élu qui était venu pour empêcher les camions de partir sur la Pologne, parce que c'était vraiment nous enlever notre travail. Rien n'y a fait. Hein. Après, donc, l'entreprise de 92 à 94 a continué, donc avec tout le temps de vives tensions, mais de très vives tensions, puisqu'on est dans un petit village, la souterraine, et on va faire nos courses le soir, et bien on croise des personnes qui ont été licenciées. C'était difficile moralement. Donc en 94, pareil, l'atelier avait été rééquilibré donc avec une centaine de personnes. Et en fait, il fallait encore licencier du personnel. Donc encore de nouvelles tensions, là jusqu'en 96. 96, dernier plan de licenciement. Et moi, à ce moment-là, nerveusement, c'est vraiment difficile. Donc moi, je décide de partir et de me mettre à mon compte à ce moment-là. Et l'ironie du sort, c'est que je répondais au téléphone et que des personnes nous appelaient pour nous donner du travail, de la sous-traitance, de la fabrication, comme on avait l'habitude de faire. J'ai pris donc note de ces sociétés et après, le soir, je me suis dit, non, c'est terminé, je ne peux plus continuer comme ça, donc je vais créer mon entreprise. Je dis, c'est terminé, De Fursac. Et j'ai repris donc des personnes de Fursac, bien évidemment. Hein. Je n'ai pas été voir ailleurs, ça a été les personnes de Fursac. En préparant ce documentaire, j'ai appelé des dizaines d'anciennes salariées de chez De Fursac. Beaucoup n'ont pas voulu répondre. Alors avant de quitter l'atelier de Maryse Mativet, je lui demande pourquoi d'après elle, la souffrance de ces licenciements est encore aussi vive 25 ans après. Tout s'était un petit peu apaisé puisque voilà, les personnes maintenant arrivent à la retraite parce que moi j'ai 55 ans aujourd'hui, mais j'avais 30 ans à l'époque. Ce jour, ça s'est cicatrisé, mais les personnes de mon âge avaient leur mari chez GMS. Et en fait, GMS, ça recommence. C'est encore, on est en train de vivre le même problème que l'on a connu il y a 25 ans avec le groupe de Fursac. En fait, depuis 25 ans, ça nous poursuit en permanence. Ce matin, les salariés de GMS sont une nouvelle fois dans l'attente. Ils savent que les prochaines heures seront cruciales pour leur avenir et qu'ils n'ont pas toutes les cartes en main. À l'heure actuelle, c'est vrai que on est un peu désespéré, quoi. On est plus que désespéré. Hier après-midi, les salariés menacent d'incendier l'usine. Les syndicalistes reçus à Bercy estiment ne rien avoir obtenu, en particulier aucune prime supralégale en cas de licenciement. Emmanuel Macron a été accueilli par des sifflets, mais fidèle à sa méthode, il a tenu à rencontrer les salariés de GMS dans la rue. Mais madame, je ne suis pas le Père Noël. Je ne suis pas le Père Noël. Les salariés de GMS ont un nouveau propriétaire, le groupe stéphanois GMD. 120 salariés seront repris, moins de la moitié des effectifs. Après 10 mois de mobilisation pour sauver leur entreprise, le plus difficile commence pour les salariés. Ils ne savent pas encore qui sera licencié. Il va falloir ramer pour essayer de trouver quelque chose, pour pouvoir finir de payer la maison, pour pouvoir élever ses enfants, pour pouvoir subvenir à ses besoins fondamentaux, ne serait-ce que manger. Le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. Ah oui, mais ils peuvent pas avoir des postes là-bas parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Oui, oui, mais je sais bien. Mais et c'est pas loin de dire. Non, mais on parle avec le préfet. Ce matin, l'émotion était encore vive pour les salariés de l'usine GMES. Ils ne décolèrent pas. La phrase polémique d'Emmanuel Macron ne passe pas. Je vois pas son raisonnement. Ça, c'est complètement stupide. Il connaît vraiment rien à la vie. Lui, il a vécu que de belles choses et tout et tout. Il connaît pas la vraie vie. Une partie de ses salariés manifestait hier en marge de la visite du président en Corrèze. S'ils ne l'ont pas vu, le chef de l'État, lui, a clairement fait allusion à leur attitude et leur suggère même des emplois dans la région. C'est-à-dire, il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder s'ils peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Au cœur de la controverse, cette fonderie qui propose 18 postes et ne trouve pas de candidat. Il faut dire que la souterraine est à 143 km de Ussel, 2 heures de voiture. Je pense à ce territoire-là. Qu'est-ce qui va devenir d'ailleurs ? Il y a toutes ces familles sur le carreau. Là. Du lundi jusqu'au samedi, pour travailler les radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, suivi le propriétaire, vers 7h la boulangère, et travailler sa vie de chien, le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant, quand on se promet. Il est important de revenir un peu dans le temps, pour voir que la classe ouvrière n'est plus vraiment ce qu'elle n'a jamais été. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs périodes qu'on peut analyser successivement. Thibault Martin, sociologue à l'Université de Limoges. La première, elle vient à partir de 1936 avec la consécration d'un nouveau personnage dans le champ politique qu'est le groupe ouvrier. Le groupe ouvrier qui va gagner une place d'autant plus importante en 1936 mais surtout après-guerre. En gros, jusqu'au milieu des années 70, début 80, on va même parler de groupe ouvrier central qui est un peu le pivot de la société salariale et des conquêtes du monde du travail. La prouesse politique, elle est liée à un binôme qui va être très fort dans cette période-là, qui est le binôme Parti communiste CGT, et qui vont travailler à l'unification du groupe, et qui vont permettre des conquêtes pour le monde du travail et pour le salariat de manière générale. Le personnage central de cette période-là, c'est la figure du métallurgiste de Billancourt, c'est-à-dire un ouvrier blanc, qualifié, de la grande industrie, qui est consacré en 1936, par exemple, dans le film de Duvivier, avec le personnage de Gabin, voilà, qui est dans la fleur de l'âge, les femmes se pendent à son cou, etc. C'est cette première période qui va arriver jusqu'à la fin des années 70. Les premières restructurations, les premières pertes d'emplois vont d'abord toucher les ouvriers dans les années 70-80. On va avoir une nouvelle période qui va s'ouvrir, notamment à partir du milieu des années 80. Le nouveau pivot de la société, c'est l'entrepreneur. Une figure emblématique, hein, je trouve, des années 80, c'est Bernard Tapie, voilà, qui est je crois que c'est un fils de métallurgiste de Seine-Saint-Denis, je crois que son grand-père était cheminot. C'est quelqu'un qui s'est construit tout seul, dont la principale activité est de faire des fusions-acquisitions, voilà, d'acheter et de revendre, souvent avec des plans sociaux très importants ensuite. Durant cette période-là, on va avoir une ringardisation de la condition ouvrière, voilà. Donc, dans les années 80, on a un progressif passage sous silence de la condition ouvrière et de la question ouvrière dans la société française. Du coup, durant cette période-là, on va avoir une forme d'invisibilisation très forte de la condition ouvrière. On en parle, mais on en parle comme si on en parlait une dernière fois avant que ça disparaisse complètement. D'ailleurs, fin 80, début 90, il y a plusieurs journaux qui vont se répondre. Il y a Le Monde, il y a La Marche du Siècle, sur France 3, qui vont faire plusieurs dossiers sur, même Télérama, je crois, sur la fin de la classe ouvrière, la déshérence de la classe ouvrière. La nouvelle période qui s'ouvre, qui est à peu près celle dans laquelle on est aujourd'hui avec différentes variantes, c'est celle qui va s'ouvrir à partir du 21 avril 2002, où d'un coup on se rend compte qu'il y a des ouvriers, et on se rend compte qu'il y a des ouvriers parce qu'on les accuse assez massivement d'avoir porté le Front National au second tour. Cette transformation, elle s'accompagne quelques années après par une médiatisation très importante de quelques plans sociaux. Il y a Metal Europe, je crois, en 2001-2002. Il y a Célatex, il y a Continental. Et du coup, à partir du début des années 2000, on va traiter la condition ouvrière de manière très symptomatique dans deux situations, médiatiquement et politiquement. La première, c'est quand il y a une fermeture de site, quand il y a une usine qui ferme, et avec une espèce de mouvement naturel de l'histoire qui va dans la suite de la ringardisation, c'est-à-dire qu'on parle une dernière fois avant que ça disparaisse définitivement. Donc regardez, c'est un peu inéluctable, c'est la concurrence des pays d'Europe de l'Est, des pays d'Asie, etc. On peut plus produire en France. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est celui dont on a parlé juste avant. On va reparler des ouvriers systématiquement à chaque élection. Donc d'un côté on dit qu'il n'y a plus trop d'ouvriers, mais il y en a encore suffisamment pour porter le Front National au second tour, ou pour les voir faire des percées électorales, voire gagner des municipalités. En réalité, les ouvriers votent assez peu. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'ouvriers étrangers qui n'ont toujours pas le droit de vote, donc qui ne participent pas à la vie électorale, et que même si certains vont pouvoir voter pour le Front National, les partis de gauche restent encore assez largement plébiscités pour une partie d'entre eux. Donc en gros, on peut minorer le fait que le premier parti ouvrier, ce serait le Front National. Aujourd'hui, le premier parti ouvrier, c'est très nettement l'abstention et le fait de se tenir à distance de la question politique. Si possible, faites demi-tour. Si possible, faites demi-tour. L'histoire se répète. L'une des principales industries de la ville, GMS, sous-traitant de PSA et de Renault, a été placée il y a un an en liquidation. Depuis les années 60, l'entreprise faisait de la sous-traitance mécanique, des carters d'huile, des éléments de châssis, des colonnes de direction. Avec la maîtrise de ces techniques de pointe, GMS est le deuxième employeur industriel de la Creuse. Pour Jean-François Muguet, le maire de la Souterraine, l'annonce de la liquidation est une catastrophe économique. La colère est immense, et pour cause. 3 ans plus tôt, l'entreprise a touché 740 000 euros du CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, dispositif phare du président Hollande. À l'arrivée, chez GMS, pas d'investissement, pas de recherche de nouveaux marchés, pas d'embauche, mais 150 salariés au chômage. Est-ce qu'on peut y aller ensemble sur ce site GMS ? Non, non. Non, parce que j'ai très mal. J'arrive pas à y retourner là-bas. Je me trouve à 500 mètres à vol d'oiseau, même pas de l'usine où je travaillais avant, où j'ai passé 36 ans de ma vie professionnelle, où je l'ai donné le meilleur de moi-même, et puis bon, mon poste a été supprimé. Donc je la vois tous les jours donc c'est très très difficile pour moi. Quand j'y vais, c'est en reculant, j'ai la boule au ventre, donc je vais éviter de me faire mal. Alain, ex-salarié de l'usine GMS. Il y a eu des gens qui ont été licenciés dans d'autres entreprises. Une collègue à ma femme qui a été licenciée dans le Palestel et qui a mis des années et des années avant de repasser dans l'usine. Moi, je la vois tous les jours devant moi et ça a du mal à passer, quoi. Ça passe pas, quoi. C'est très, très dur. On était deux agents de planning à planifier le travail dans les ateliers. Ils ont jugé que ces gens-là étaient pas indispensables. Donc, ils ont supprimé ces deux postes et malheureusement, j'en faisais partie, quoi. Donc, voilà. Je suis arrivé là-dedans, j'ai tapé des pièces sur les presses. Après, j'ai monté les outils sur ces presses justement pour fabriquer les pièces. Et puis après, bon, j'ai voulu évoluer. Je suis passé agent de planning pour planifier la production. Est-ce que j'aurais pas dû rester en bas de l'échelle plutôt qu'essayer de gravir, monter quelques barreaux? C'est ça la question. Aujourd'hui, l'investissement que j'ai mis dans cette usine, eh ben, j'estime qu'il n'est pas récompensé. En arriver là, c'est un grand gâchis, quoi. C'est malheureux. C'est pas comme ça qu'on avance. C'est dégueulasse. Je m'excuse du terme, mais c'est dégueulasse. J'arrive pas à comprendre ça. 36 ans. Ouais, 36 ans, ouais. C'est une page de vie entière. C'est une page de vie entière, comme vous dites. ça a du mal à passer, quoi. C'est comme si un écrivain se donnait beaucoup de mal à écrire un bon roman et que du jour au lendemain, on lui dit votre travail, c'est nul, quoi. Vous avez des enfants ? Oui, j'ai 3 enfants, dont encore un à charge, qui a 15 ans, donc il a des études à payer, quoi, encore. Et votre femme, elle travaille ? Ma femme, elle travaille à l'hôpital de Guéret, donc voilà. Parce que quand même, on a aidé Renault à sortir de la mouise, parce qu'à une époque, ils étaient très mal, donc on a demandé aux Français de les soutenir. Et aujourd'hui, Renault dégage des bénéfices et tout, Renault, Peugeot. Aujourd'hui, on leur demande de sauver l'industrie en France, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils délocalisent, ils vont ailleurs. Ils avaient promis 22 millions de chiffre d'affaires à eux deux. Vous allez sur le site de la souterraine, les 22 millions, ils y sont pas. Donc une parole de plus qui est pas tenue. Et qu'est-ce que fait notre gouvernement ? Parce que on leur a donné ces gens-là de l'argent public pour qu'ils relancent cette entreprise, et qu'on voit ce qu'ils en ont fait, c'est pas normal. Aujourd'hui, les vilains petits canards, c'est eux, c'est pas nous, hein. Après, on a des bulletins de vote, il faut que les gens ils se mobilisent plus et puis qu'ils aillent voter, quoi. C'est pas normal qu'il y a plus de la moitié des gens qui aillent pas voter, c'est pas normal. Vous votez ? Oui, je vote. Avant, je votais contre quelqu'un pour éviter que les extrêmes y passaient. Vous avez voté Macron, donc ? Ouais, j'ai voté Macron, ouais. Non, j'ai pas voté Macron, j'ai voté contre Le Pen. C'est pas pareil. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il peut fanfaronner ? Dire aux Français, levez-vous tous les matins, faites quelque chose pour la France. Aujourd'hui, je pense que les Français ont envie de faire quelque chose pour la France. Quand je parle des Français, c'est les patrons, c'est les ouvriers, c'est tout le monde. Parce qu'on a besoin des patrons. C'est indispensable, un patron. Je sais bien qu'on n'est pas toujours d'accord avec eux, mais aujourd'hui, on en a besoin de ces gens-là. Comme on a besoin des ouvriers. Pour faire voir que la France, elle est grande. On n'en est pas arrivé 5e puissance mondiale par hasard, en claquant des doigts. Il y a des gens qui se sont battus pour en arriver ici. Donc ça serait bien qu'on continue sur cette voie. Alors vous avez une belle maison, elle est là derrière nous ? Oui, j'ai une belle maison, oui. On peut dire ça, mais j'ai travaillé pour. On a travaillé pour avec ma femme. Après, on dit, vous perdez votre emploi, faut partir. Mais est-ce qu'on va laisser 31 ans de crédit comme ça ? On va y laisser des plumes. C'est obligé. La valeur du mobilier n'a pas la même valeur en Creuse que dans les autres départements. C'est très peu cher ici, l'immobilier. Ah oui. C'est pour ça, faut qu'ils viennent s'installer, justement, les gens. Faut qu'ils viennent en Creuse. C'est pas cher. Faut qu'ils viennent. Faut que la Creuse, faudrait qu'elle se développe plus que ça. Et tous les pouvoirs publics devraient aider à faire ça. Qu'on ferme des gares, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on ferme des gares. Il faut qu'on maintienne le service public dans tous ces communes. Quand on voit toutes ces écoles qui ferment, ces services administratifs qui ferment, je pense que c'est pas normal. C'est pas normal. Je pense qu'on est abandonné. Alors comment vous allez rebondir, vous, monsieur, aujourd'hui ? Là, je veux repartir sur autre chose. J'ai fait une formation de chariste d'entrepôt et de préparateur de commandes que j'ai fini mardi. J'ai été démarché des employeurs. Il y en a un qui serait susceptible de me prendre à partir de mercredi. Donc je vais repartir sur de l'avant. Je vais repartir sur une autre vie professionnelle. Faire comme j'ai fait ici, donner le meilleur de moi-même là-bas. En espérant que je leur convienne et qu'ils soient fiers de moi. Et puis qu'ils me gardent le plus longtemps possible, quoi. C'est comme ça, on va repartir à zéro, et puis voilà. On va être payé au SMIC. Avant, on avait un 13e mois, on était à 2000 euros brut par mois, on avait un 13e mois, et maintenant on va se retrouver au SMIC, donc ça fait une perte importante, quoi. Un collègue qui a retrouvé du travail, il perd 1000 euros par mois. C'est comme ça. Et vous avez le sentiment d'avoir changé personnellement depuis cette histoire ? Ah bah oui, on y laisse des plumes. On est sur les nerfs, on a le sentiment d'avoir été trahi, quoi. Et ça, on le vit très mal, et ça se ressent sur la vie de famille. On est moins passé, on est irritable, on vit mal, quoi. On vit mal. Et ça, la famille, ça se ressent dessus. ils le ressentent. Et ça, je dois leur tirer un grand coup de chapeau, mais à ma femme et à mes gamins. Puis ils supportent ça, quoi. Parce que là, c'est pas que moi qui en souffre de ce licenciement, c'est toute la famille. Et je pense qu'on mérite pas ça, quoi. Mais ça va repartir. On va être positif. Il faut aller de l'avant. Quand est-ce que vous avez votre résultat pour savoir si vous avez le boulot ou pas? Ben, je le saurai en début de semaine. Je vais le savoir en début de semaine. Si tout va bien, je devrais commencer à travailler le mercredi. Si tout va bien, alors je vais croiser les doigts, je vais aller chercher des pattes de lapin, une trèfle à quatre feuilles, tout. Tout pour leur amener ce que je sais faire à ces gens-là et puis qu'ils me donnent ma chance et puis je leur rendrai bien, quoi. Je leur ferai voir que c'est pas parce qu'on a 55 ans qu'on est foutu, quoi. Dire qu'un appauvrissement de la condition ouvrière, oui, forcément, puisque quand on n'a pas du tout de possibilité de se projeter dans l'avenir, c'est ce que Robert Castel appelait la déstabilisation des stables, pour analyser l'évolution du rapport salarial. C'est-à-dire que toute la période qui court de 36, en gros jusqu'aux années 70, c'est une stabilisation du rapport salarial autour des conquêtes sociales et de la place de la condition ouvrière dans la société salariale. À partir des années 80, des fermetures de sites, de la transformation du marché du travail, de l'ajustement, puisque toutes les politiques qui sont mises en place depuis 35 ans sont des politiques systématiquement d'ajustement du marché du travail aux exigences des employeurs et du patronat, vont forcément déstabiliser le lien salarial et amener le rapport au travail à être de plus en plus distendu et forcément signifie beaucoup moins de revenus et un appauvrissement de la condition ouvrière. On parle actuellement plutôt de classe populaire au pluriel, beaucoup moins de classe ouvrière. Ce glissement, il n'est pas que sémantique. Alors déjà, parler de classe populaire, c'est-à-dire toujours parler de classe. Donc qui dit classe, dit parler d'inégalités qui sont fondamentales et des inégalités qui avaient eu tendance à diminuer tendanciellement des années 50 jusqu'aux années 70, qui depuis la fin des années 70, début des années 80, ont tendance à s'accroître très fortement. Un exemple très criant de ces inégalités qui deviennent très fortes, la France est redevenue une société où le patrimoine pèse énormément sur les destinées individuelles. Donc avoir des parents qui ont un patrimoine financier, économique, etc., est redevenu très largement déterminant, alors que des années 50 aux années 70, ça avait eu tendance à baisser. Le meilleur moyen de lutter contre les inégalités aujourd'hui, c'est d'avoir un haut niveau de service public, une forme de propriété indirecte qui permet de donner un sentiment relativement de traitement relativement égalitaire avec des services publics de proximité, etc. Quand on abandonne des lignes secondaires, quand on abandonne les guichets à la SNCF, quand on voit un certain nombre de services publics de proximité disparaître, ça renforce l'impression d'être un peu des citoyens de seconde zone, d'être moins destinataires du discours public. On peut se rendre compte que c'est un sentiment qui est assez généralement partagé, qu'on soit à La Souterraine ou à Clichy-Montfermeil par exemple. Ce qui est marqué, c'est le fait qu'il y ait très peu d'emplois localement, que l'emploi disparaisse, mais également qu'il y ait une disparition progressive d'un certain nombre de services publics. Donc on remet pas l'État à l'endroit où l'État devrait être plus fort, étant donné le moindre accès à l'emploi et les plus grandes difficultés. Alors ici, on est dans le centre-ville de la Souterraine dans le département de la Creuse. Il y a 5000 habitants ici. Et là, on est tout près de la gare. Alors, on passe devant un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Moderne. Il est fermé, manifestement. On arrive devant un magasin qui vend des articles de pêche, lui aussi est fermé. Et le nombre de commerces en centre-ville est en train de diminuer de mois en mois. Il y a un PMU qui a fermé il y a 2 mois, une esthéticienne il y a 15 jours, et là il y a une quincaillerie qui a aujourd'hui encore pignon sur rue qui va fermer dans quelques semaines. La ville de la Souterraine, c'est-à-dire par rapport à toutes les restructurations dans les usines, la ville de la Souterraine s'en est ressentie. Daniel Lachaise, soudeur à la retraite. Parce qu'à une époque, je me souviens, quand on était gamin, quand mon père m'emmenait, les foires, les marchés étaient quand même autour de l'église, les marchés étaient achalandés. Et puis moi, je me souviens, à une époque, il y avait des fêtes foraines. Que maintenant, c'est fini, ça. Les petits commerces, il n'y en a pratiquement plus. Hein. Il y a une petite supérette. Quand les propriétaires vont arriver à la retraite, je crois qu'elle va fermer carrément. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. C'est très difficile. Alors, dans la grande rue, là, c'est pareil. Bon, dans la grande rue, il y a toujours des boulangers. C'est tout ce qu'il y a. Il y a quelques commerces de... habillement, enfin, c'est tout. Hein. C'est un autre qui a fermé, là, télévision, appareil ménager, etc. Lui, il a fermé. Vous aviez encore là une librairie. La librairie, elle n'a pas pu trouver de repreneur. Bon, elle a fermé carrément. Elle a fermé carrément. Hein. Ça s'en va petit à petit. On ne peut pas dire que ça s'en va d'un seul coup. Mais à une époque, je me souviens, il y avait 2 cinémas. Vous aviez l'Éden. Et vous aviez le Familia. Mais le Familia, il a fermé. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, monsieur, avant de... Ah, moi, j'étais soudeur. Alors, j'étais soudeur pendant 40 ans. J'ai connu Socomec au départ. Après, j'ai connu SER. J'ai connu Ariès. Ariès, ils ont vendu à un fonds de pension anglais qui s'appelait Wagon. Et après, Wagon, pareil, ça a plongé. Et c'était des Français qui ont acheté, ça s'appelait Altia. Alors Altia, eux, ils ont été rachetés par un groupe, ça s'appelait GMS. Voilà, c'est que des rachats dans oui, tous les sens. Oui, c'est que ça, hein, c'est que ça. Quand on parle d'invisibilité ouvrière, il faut d'abord dire que les ouvriers sont très nombreux dans la société française. Il y a plus de 6 millions d'ouvriers pour 28 millions d'actifs, hein, c'est un peu moins d'un quart de la population active. Effectivement, le nombre d'ouvriers a reculé. Le maximum du groupe ouvrier, c'est au milieu des années 70, il y a un peu plus de 8 millions d'ouvriers. Donc c'est un groupe qui a perdu un certain nombre d'emplois, mais qui a perdu un certain nombre d'emplois essentiellement dans ce qui était son fleuron de visibilité, c'est-à-dire l'industrie. Aujourd'hui, il y a près d'un ouvrier sur deux qui travaille dans le tertiaire. Donc on a moins de possibilités de se représenter, de voir ces ouvriers-là. Ça m'amène à évoquer une anecdote qui est assez révélatrice. J'ai été contacté par des journalistes qui préparaient une émission de reportage, je crois, du week-end sur le monde ouvrier et qui m'appelaient pour savoir où est-ce qu'ils pourraient trouver des ouvriers. Donc, ce qui est assez ironique, hein, d'une certaine manière, parce qu'on se rend compte, en fait, que des ouvriers, il y en a énormément en région parisienne. C'est un quart de la population en Seine-Saint-Denis. Et que pour des journalistes, trouver des ouvriers, c'est devenu quelque chose de très compliqué parce que les ouvriers, on a toujours tendance à les imaginer. Ce que la journaliste m'avait demandé, c'est si on pouvait aller du côté de Montbéliard, voilà, du coup à Peugeot, ou est-ce qu'on pouvait aller du côté de Caen pour rencontrer des ouvriers. Donc j'avais dit à ce moment-là qu'elle pouvait tout à fait aller par exemple à la médiathèque d'Ivry-sur-Seine. C'est très accessible en métro et on peut rapidement rencontrer un certain nombre d'ouvriers. J'ai rapidement compris que des ouvriers qui lisent, c'était pas tout à fait ce qui les intéressait dans ce reportage. Quand on perd de l'emploi, on perd de la population. Petit à petit, tout se défait, tout se délite et on se retrouve au milieu de désert. Hein. Guy Dumignard, adjoint au maire de la Souterraine. Il suffit de prendre la grande rue, la rue principale, et un commerce sur deux qui est fermé. Pour quelqu'un qui a toujours vécu ici, voir ses vitrines désertes, fermées, c'est dramatique. C'est dramatique. Les personnes âgées qui avaient l'habitude de faire leur commerce et leurs petits achats aux côtés de chez elles, tout, elles ne peuvent plus faire. Aujourd'hui, elles sont obligées d'aller au supermarché. C'est tout le tissu qui est social qui se trouve touché, perturbé. Moins de pouvoir d'achat, moins d'activité, on retrouve derrière les conséquences directes sur le commerce. Qu'est-ce que les gens en âge de travailler vont pouvoir faire ici? Quelle plus-value on va apporter? Quelle richesse on va créer? Et je veux dire, il n'y a pas d'emploi. Alors on nous parle d'un plan de revitalisation, etc., pour la Creuse, décidé par le gouvernement. Sauf que dans tous les ateliers qu'ils ont mis en place, il n'y en a aucun qui est consacré à l'emploi industriel. Donc c'est dramatique. Parce que les élus, ils travaillent tous les jours pour faire un territoire attractif. On essaye de développer les équipements sportifs, les équipements culturels, etc., toutes les activités qui font la vie de tous les jours. Mais s'il n'y a pas d'emploi, ça ne sert à rien tout ça. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, monsieur, comme boulot? J'ai passé un CAP d'électromécanicien en 1968. Et je suis parti à Paris pour travailler, déjà à l'époque. Et donc j'ai intégré les usines Citroën dans Paris 15e. Et de plus, à l'époque, Citroën venait embaucher directement au lycée professionnel. C'est-à-dire que j'ai été recruté par Citroën avant d'avoir le CAP. Et j'ai embauché, je me souviens, le 2 juillet 1968, quai de Grenelle à Paris. Et puis, au bout de 10 ans, le mal du pays, je suis revenu en Creuse. J'ai trouvé un boulot d'électromécanicien, toujours, dans des mines, au nord du département de la Creuse et au sud du département de l'Aisne, des mines où on extrayait de la fluorine. Jusqu'à ce qu'il y ait eu le fameux plan de sidérurgie en 1979. Plus besoin de mines, les mines ont fermé. Je suis licencié. Premier choc important, parce que quand on est licencié, c'est dramatique. Moi, je vis bien aujourd'hui ce que vivent les salariés de GMS après une vie de labeur. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? On travaille, on essaye de donner le maximum pour faire son boulot parce qu'on a une conscience professionnelle, etc. Et puis du jour au lendemain, merci monsieur, repartez chez vous, on avait besoin de vous. J'ai été convoqué par la NPE à l'époque, puisque c'est comme ça que ça s'appelait, l'Agence nationale pour l'emploi. Et la conseillère qui était là même me dit, monsieur, faut pas rester au chômage, vous êtes dans la force de l'âge pour travailler. Franchement, je me suis mis en colère. Je me suis mis en colère parce que c'est souvent les amalgames, chômeurs, feignants, pas de trouver de boulot, etc. Mais c'était inacceptable, je vivais quelque chose. Je le vivais très difficilement et en plus on essayait de me culpabiliser. Donc effectivement, j'ai retrouvé le travail parce que cette époque-là, c'était plus facile qu'aujourd'hui de retrouver le travail, etc. J'ai changé d'orientation, je suis rentré dans la presse. Et puis après, j'ai été sollicité par un quotidien régional local qui s'appelle L'Écho. Et puis, petit à petit, je me suis retrouvé à un poste de direction. Je me suis retrouvé gérant. Donc ça a été une aventure assez extraordinaire pour un ouvrier de se retrouver sur un poste de responsabilité comme celui-ci et de vivre une telle aventure. Moi, j'ai pu évoluer de cette façon-là, c'est-à-dire passer d'une fonction d'ouvrier salarié à une fonction de gérant, directeur d'un journal. Mais il faut vraiment que les conditions soient remplies. La première des conditions, c'est qu'il n'y ait pas de coupure dans l'activité professionnelle. Un, on a tous une famille, donc il nous faut un salaire. Il faut qu'on puisse vivre. La deuxième chose, c'est que l'activité professionnelle va avec la formation professionnelle. Et quand on travaille, on a toujours la possibilité de se former. Aujourd'hui, un salarié, un ouvrier, un employé, il devrait avoir un temps de formation obligatoire tous les ans. Ça veut dire que aujourd'hui, par exemple, les salariés GMS qui sont en formation, ils essayent de trouver une formation pour trouver un boulot qui va leur permettre d'assurer leur salaire. Parce que c'est ça, parce que aujourd'hui ils sont au chômage, demain le chômage diminue, ils ont une famille derrière des enfants pour la plupart, et c'est leur souci, c'est pas... Leur souci, c'est pas l'élévation dans l'échelle sociale. Leur souci aujourd'hui, c'est comment je vis demain, comment je fais vivre mes enfants. C'est ça la vraie question. Cette précarité qu'on décrit par exemple ici à la souterraine, mais qui peut évidemment se dérouler ailleurs, cette précarité empêche cette élévation. Ah, complètement, complètement, parce que quand on est pris par les problèmes quotidiens, par les problèmes essentiels qui sont comment je boucle la fin du mois, on pense pas au reste. On ne pense pas à comment je vais évoluer dans ma carrière, comment je vais évoluer dans ma vie. C'est un souci complètement disproportionné par rapport à la situation, au moment vécu. Est-ce que les plans sociaux à l'œuvre actuellement à la souterraine provoquent de l'adhésion politique, de la réflexion, ce que vous, vous avez vécu quand vous étiez ouvrier chez Renault ? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Je crois qu'aujourd'hui, au contraire, ça entraîne du fatalisme, de la régression, de la peur. Ceux qui ont un travail, ils se demandent s'ils vont pouvoir le garder. Donc, ils font le maximum pour pas... prendre de risques pour garder l'emploi au maximum. C'est un peu ça le drame de la classe ouvrière aujourd'hui, c'est que elle est tellement pressurée, tellement exploitée, que ça a cassé toute solidarité. Ça entraîne un fatalisme complet, on le sent sur la ville. Alors, on est au niveau de la mairie, de l'équipe municipale, on essaye de tirer toujours, de créer un peu d'enthousiasme, etc., pour que les choses continuent d'avancer. Mais on sent bien qu'il y a tout qui pèse. Bon, GMS d'un côté, la gare SNCF, qui est un peu le poumon de la commune, qui est menacée. On supprime des emplois, on supprime les heures d'ouverture du guichet. Bon, je veux dire, tout ça, ça pèse, et puis ça crée une morosité ambiante que c'est comme une chape de plomb qui pèse un peu sur la tête des gens ici. Il y a cette inquiétude du devenir par rapport à l'activité économique, quoi. C'est ça la question. Vous diriez que c'est une ville qui s'appauvrit ? Je ne sais pas si on peut dire qu'elle s'appauvrit, mais on est à la bascule. On avait réussi à maintenir la population, voire à se développer un petit peu depuis des années. Et là, on est en train de basculer dans l'autre sens. Et si on perd la population vieillit, et forcément, au bout du bout, on va s'appauvrir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors ? Ce qu'il faut faire, pour moi, il n'y a qu'une chose, l'emploi, l'emploi et l'emploi. Il n'y a que ça. Si on ne crée pas de l'emploi avec la création de richesses, avec des activités industrielles, on ne s'en sortira pas. Il faut absolument que des entreprises se délocalisent, viennent ici pour créer des emplois, sinon on n'y arrivera pas. Renault, au lieu de construire des usines au Maroc, ou au PSA, au lieu de faire fabriquer ces carters d'huile qu'on fabriquait ici depuis 30 ans, les faire fabriquer au Brésil, on sait les faire ici. Hein. Ils ont toujours été bien fabriqués, on peut les faire, hein. Il n'y a pas de problème. Donc il faut vraiment qu'on crée, au niveau international, au niveau européen, mais aussi international, qu'on crée des systèmes pour qu'il y ait une égalité sociale partout, parce que sinon on ne va pas y arriver, hein. Je veux dire... Aujourd'hui, on est dans la course aux charges, ce qu'ils appellent les charges. Il faut que le coût du travail soit le moins cher possible. Mais il n'y a qu'à rétablir l'esclavage, et puis on n'en parle plus. Ça fonctionnera. C'est pas ça, la vie. La vie, on est là pour que chaque individu puisse s'accomplir, puisse vivre, faire vivre sa famille, etc. C'est pas que quelques-uns s'enrichissent au détriment de tous les autres. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et si ça continue comme ça, un jour, ça va tout exploser. Merci à Thibaut Martin, sociologue à l'Université de Limoges, chercheur au GRESCO et notamment auteur de « Ouvriers malgré tout » aux éditions Raison d'agir. Merci aussi à Maryse Mativet, Patrice Bétouzi, Philippe Lester, Patrice Montier, Daniel Lachaise, Guy Dumignard. Mixage, Lidwin Caron. C'était la série documentaire coordonnée par Perrine Carvan, accompagnée de Marivonne Abolivier. De la classe ouvrière aux classes populaires, un documentaire de Rémi Libovski-Douat, réalisé par Véronique Samouilov. LSD, la série documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez quitter l'usine, bibliographie, lien, nous podcaster pour la NPE ou nous réécouter au Prud'homme, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les belles pages, justement, c'est grâce à Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD, la série documentaire. Et pour le podcast, il y a aussi tout un tas d'autres plateformes. Demain, dernier épisode, vivre à l'écart des riches. Et toute la semaine, à 14h, en écho justement, Entendez-vous l'écho questionne aussi la pauvreté. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de Tenk, notre partenaire qui propose, par abonnement, une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs et qui a même une plage réservée aux documentaires audio. Et n'oubliez pas nos autres rendez-vous documentaires sur la chaîne Les Pieds sur Terre, Une Vie, Une Œuvre, Création On Air et Une Histoire Particulière.